Vous écoutez Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Aujourd'hui, nous allons parler de la sieste. Pourquoi les soldats allemands ou américains étaient-ils dopés aux amphétamines pendant la Seconde Guerre mondiale? Pourquoi rase-t-on la forêt amazonienne? Pourquoi certains milieux professionnels réputés survoltés, comme la restauration ou le showbiz, sont-ils connus pour leur consommation de cocaïne? Eh bien, parce que justement, s'offrir une petite sieste est un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre. Voilà, vous écoutez Podcast Science et on va en parler tout de suite. Bonsoir à tout le monde, c'est Franck qui vous ouvre les portes de Podcast Science ce soir. En ma compagnie, Alan. Salut tout le monde, salut Franck. Alors Alan, c'est toi qui vas nous présenter aujourd'hui le dossier, qui va donc parler de sieste. Ouais, c'est ça. J'avoue, je me suis dévoué cette semaine pour faire avancer la science. Et pour valider mon dossier sur la sieste, j'ai dormi. Et quand on dort, on ne peut pas écrire de dossier. Alors heureusement, l'internet est mon ami, du coup je vais partager mon zapping sur le sujet, mes trouvailles glanées au hasard de mes pérégrinations googliennes. On va ouvrir les feux avec Futura Science, qui est toujours très bien référencée, qui du coup est sortie en tête de mes recherches, qui donne dans le synthétique et l'efficace. La sieste, y lit-on, est un moment de repos physiologique pour notre organisme. Chez les personnes qui manquent de sommeil, elle est indispensable pour rester en forme et efficace jusqu'au soir. Une sieste de 10 à 20 minutes entre 13 et 15 heures permet d'abaisser le niveau des hormones liées au stress. Elle participe aussi à la récupération musculaire. Enfin, elle joue un rôle non négligeable dans la restructuration des neurones. De ce fait, elle améliore la mémoire et la concentration. Alors, il y a une source qui est mentionnée, c'est le docteur Eric Mullins de l'Institut du Sommeil et de la Vigilance. Alors, ni une ni deux, hop, j'ouvre un nouvel onglet sur institutsommeilvigilance.org et s'ouvre à moi un univers totalement étonnant. On y trouve même un guide du bon sommeil, plein de conseils pour bien dormir. J'y lis aussi quelques bêtises, notamment dans un des quiz proposés sur le site. Par exemple, que si on dort à côté de son téléphone portable, on a le sommeil tout perturbé. Eh oui, à cause des ondes, vous comprenez. Et selon une étude scientifique, bien sûr, qui n'est pas citée naturellement. Et par contre, le logo du vendeur de literie qui sponsorise l'opération, lui, est bien visible et tout à fait cliquable. C'est une époque formidable. Alors, cette histoire d'ondes électromagnétiques qui perturbent le sommeil, évidemment, m'intrigue. Alors, je regoogleise un petit coup. Et une fois zappé les articles militants qui font des ondes GSM la cause de tous les maux, je retiens deux articles. Le premier de TF1 News. Et oui, je vous ai prévenu, c'est du zapping. J'ai pas préparé. Je cite. Utiliser un téléphone mobile avant d'aller au lit perturbe le sommeil, la faute aux ondes électromagnétiques auxquelles sont soumis les usagers. Des chercheurs de l'Institut Karolinska en Suède et de l'Université Wayne aux États-Unis sont parvenus à cette conclusion après avoir soumis la moitié d'un panel de 70 personnes des deux sexes au rayonnement équivalent à ceux émis par un mobile. Les exposés, entre guillemets, ont mis plus de temps à entrer dans la première phase de sommeil profond et leur phase de sommeil la plus profonde a duré moins longtemps. Les ondes agiraient sur des zones du cerveau qui activent et coordonnent le niveau de stress. Ou, autre explication avancée par les chercheurs, les rayonnements pourraient perturber la production de mélatonine, une hormone qui contrôle l'horloge biologique interne. Mais bon, on ne parlait pas de dormir à côté de son téléphone portable. Et sur la même page de résultats Google figure un article de 20 minutes, version suisse, titrant joyeusement « Les ondes ne perturbent pas le sommeil ». Je cite, la perturbation la plus fréquemment attribuée au rayonnement électromagnétique à haute fréquence est les problèmes de sommeil. Certaines études dans des laboratoires du sommeil ont effectivement laissé préjuger d'un tel lien. L'activité électrique du cerveau des personnes exposées avant de dormir à des forts rayonnements de téléphone mobile se modifiait. Dans une étude de l'université de Bâle publiée dans le magazine spécialisé Radiation Research, les chercheurs ont analysé les données de 1375 habitants de la région bâloise, donc Bâle c'est une ville en Suisse, et les recherches ont montré qu'il n'y avait pas de lien entre l'exposition au rayonnement et la qualité du sommeil. Une personne exposée au rayonnement électromagnétique à haute fréquence ne risquait pas d'avoir davantage de problèmes de sommeil durant la nuit, ni de ressentir une fatigue extrême pendant la journée. Mais bon, je m'égare. C'est peut-être pas une bonne idée de me mettre tout l'internet du monde entre les mains au moment où je devrais préparer un dossier. Je démarre avec la sieste et vlan, je me retrouve à parler d'ondes électromagnétiques. Alors revenons à nos moutons, avec des publications un peu plus scientifiques, ça aidera. Le Scientific American d'abord, avec un article qui titre « Naps for better recall, even a 6-minute snooze boosts memory ». Des siestes pour mieux se rappeler, même un somme de 6 minutes augmente la mémoire. Je cite, Olaf Lall de l'université de Düsseldorf en Allemagne et ses collègues ont montré que s'endormir pendant 6 minutes, seulement 6 minutes, permet de renforcer la mémoire de manière significative. C'est la période de sommeil la plus courte dont on sait qu'elle impacte le fonctionnement mental. Cela suggère que quelque chose se passe juste au moment de la perte de conscience qui solidifie les souvenirs. Et t'as des détails sur cette étude ou pas du tout? Ouais, alors j'ai quelques détails. Les sujets de Ah, l'étude... super. Les sujets avaient 2 minutes pour mémoriser une liste de 30 mots qu'ils devaient restituer 1 heure plus tard. Et dans l'intervalle, ils étaient séparés en 3 groupes. Donc un groupe est resté éveillé tout le long, un autre a dormi pendant 6 minutes, justement, et le troisième a dormi plus longtemps, c'était une moyenne l'une dans l'autre de 35 minutes. Alors les sujets du premier groupe se sont souvenus de moins de 7 mots sur les 30, en moyenne. Le groupe qui a fait une mini-sieste de 6 minutes s'est souvenu de plus de 8 mots, en moyenne. Et ceux qui ont fait la plus longue sieste se sont souvenus de plus de 9 mots. Alors jusque-là, Lall pensait que les avantages du sommeil pour la mémoire étaient essentiellement passifs. En gros, l'état de conscience altéré ralentirait le rythme auquel les nouvelles expériences effaceraient les anciens souvenirs. Mais les résultats de cette recherche l'ont fait changer d'avis, 6 minutes n'étant manifestement pas une durée suffisante pour oublier grand-chose. Alors bon, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve ça intéressant, mais c'est pas non plus comme si les gens qui faisaient, c'est pas comme si les gens faisaient 30 sur 30 après avoir piqué un petit roupillon. Ouais. Mais moi, ce que il y a deux choses qui c'est intéressant, hein, mais qui a deux choses qui sont, c'est la petite taille qui sont un peu gênantes, c'est la petite taille de l'échantillon. Ouais. C'est que bon, 30 personnes, c'est quand même assez mince, quoi. Surtout qu'ils sont, il y en a 10 par groupe, du coup. Alors attends, il devait apprendre 30 mots. Ah oui, pardon. Mais Ouais. je sais pas en fait Ouais, combien de monde il y avait. ok, faut que ce soit des grands échantillons. Ouais, Et bien puis aussi, sûr. ce qui m'a un petit peu paru, c'est la différence finalement, c'est qu'en fait, c'était 7, entre 7, plus, moins de 7 pour ceux qui n'avaient pas fait de sieste et plus de 9 pour ceux qui avaient fait une sieste en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, finalement, c'est une différence qui est un petit peu mince, quoi. Mais bon, ouais, c'est. Ouais, je Apprendre trouve avec des aussi. pincettes, je dirais. Voilà. Totalement, ouais. Bon, comme souvent ces études, hein, finalement, je pense qu'il faudrait vraiment des échantillons très représentatifs avec des centaines de personnes. Voilà, Là, le fait que ce soit même pas mentionné, c'est vrai que c'est un peu suspect. Et puis, bon, l'article accessoirement évoque quelques dissensions entre scientifiques sur le rôle exact du sommeil pour l'organisme. Avant d'aborder une autre question qui m'a paru vachement intéressante, il parle de l'executive thinking. Alors, je ne sais pas très bien comment traduire ça. Ce serait pensée managériale ou pensée décisionnaire ou voilà, pensée des responsabilités, prise de décision. Bah, ce type de pensée-là est rendu particulièrement déficient par le manque de sommeil. On est beaucoup plus aveuglé qu'on ne le croit. On est moins capable de faire face à la nouveauté et d'évaluer les risques. Ce qui, évidemment, est une mauvaise nouvelle pour les professions médicales, les travailleurs de nuit, les chefs militaires. C'est peut-être ce qui explique que les casinos restent ouverts toute la nuit. C'est tel quel dans l'article. J'ai trouvé ça plutôt rigolo. ouais, c'est pas bête ça, c'est vrai. À 3h du matin, on n'est plus trop lucide, enfin même plus tard, et on continue à jouer, alors que si on était un tant soit peu reposé, on s'arrêterait directement, quoi. C'est ça l'idée. Exactement. C'est tout Ouais. à fait ça. Ouais. On a Rwagada dans la chatroom qui nous dit que ça se traduit par pensée exécutive. Merci Rwagada. Ok, donc moi je repars pour un petit zapping parce que tout ça m'évoque autre chose quand on parle de pensée exécutive. Est-ce que la dame de fer se vantait pas justement de ne dormir que 4 heures chaque nuit? Alors ça s'expliquerait peut-être une bonne partie de ses décisions. Et c'est reparti pour un petit tour de Google. Et cette fois, c'est deux médias britanniques qui remontent en premier. La BBC avec un article intitulé What is sleep? Qu'est-ce que le sommeil? Et le Daily Mail avec un article de novembre 2011 au titre fracassant, je l'ai traduit, le gène Thatcher. Des scientifiques découvrent une alarme secrète interne qui permet de ne dormir que quelques heures. Je vous propose qu'on garde ce gène du sommeil au chaud pour un autre dossier. Pour ceux qui veulent faire des recherches, le gène s'appelle ABCC9. Et puis on va s'attarder un instant sur le sujet proposé par la BBC qui pose bien les fondamentaux du sommeil, je trouve. La première question qu'il pose, c'est qu'est-ce que le sommeil? Et l'entrée en matière est plutôt poétique. Nous y consacrons un tiers de nos vies, indique l'article. Napoléon, Florence Nightingale et Margaret Thatcher, justement, s'en sortaient avec 4 heures seulement par nuit. Thomas Edison estimait que c'était une perte de temps. Pourquoi dormons-nous? Cette question déroute les scientifiques depuis des siècles et la réponse, c'est que personne n'est trop sûr. Certains croient que cela permet au corps de récupérer de ses activités de la journée, mais en réalité, la quantité d'énergie économisée pendant 8 heures de sommeil est minuscule, environ 50 calories, l'énergie d'une tranche de toast. Nous devons dormir car cela est indispensable pour maintenir un niveau normal de compétences cognitives comme la parole, la mémoire, la créativité, la pensée adaptative. En d'autres termes, le sommeil joue un rôle significatif dans le développement du cerveau. Alors l'article pose une question intéressante. Que se passerait-il si nous ne dormions pas ? Finalement, ça peut être un moyen de définir ce qu'est le sommeil et à quoi ça sert. On s'est tous sentis mal l'une fois ou l'autre de n'avoir pas assez dormi. En cas de carence de sommeil continuel, les zones du cerveau qui contrôlent le langage, la mémoire, la planification et le sens du temps sont sévèrement affectées, quasi désactivées. En fait, après 17 heures sans sommeil déjà, on observe une baisse de performance équivalente à un taux d'alcool dans le sang de 0,5 pour 1000. Ce qui est la limite, en tout cas en Suisse, c'est la limite pour conduire, 0,5 pour 1000. C'est le cas au Royaume-Uni aussi, je pense qu'en France c'est la même chose, hein. Ouais, tout à fait. Ça, c'est pour les anciens conducteurs, parce que les jeunes conducteurs, ils ont, je crois qu'ils ont la tolérance zéro. Sérieux ? Ouais. Ah, vachement intéressant. Mais tu vois, il n'y a aucune réglementation à ma connaissance qui t'empêche de prendre le volant si tu as été, alors, réveillé depuis plus de 17 heures. Oui, ça c'est vrai. Mais alors, attends, c'est super intéressant parce que justement, en fait, en France, je sais que c'est faux ça. En France, il y a le taux d'alcoolémie qui est de 0,5 pour 1000, donc qui est interdit. C'est-à-dire que si tu es retrouvé avec ce taux-là, tu es hors la loi. Mm-hmm. Mais il y a aussi une loi qui est super intéressante, c'est qu'en fait, il est interdit également d'être en état d'ébriété au volant. C'est-à-dire que même si tu n'as rien bu, tu n'as pas le droit d'être en état d'ébriété. Et en fait, l'état d'ébriété, c'est apprécié, c'est à l'appréciation de l'agent, quoi. Et donc, en fait, c'est effectivement, si tu avais l'air complètement bourré parce que tu n'as pas dormi, eh ben, on serait en mesure de te verbaliser, quoi. Et je trouve ça vraiment marrant parce que finalement, même si tu n'as rien bu, tu peux quand même te retrouver au poste pour état d'ébriété. D'accord. Bon, encore un préjugé qui tombe de ma part. Bon, encore que je trouve ça bizarre, mais enfin, on va pas parler de la police française. Tu trouves ça bizarre qu'on puisse verbaliser, ouais, comme ça, ouais, c'est vrai. Bah, c'est-à-dire subjectif, si... quoi. Exactement. Si aucun critère de mesure objectif, ça me paraît extrêmement bizarre que ce soit bah, l'agent. Ouais. Mais tu vois, par exemple, il est interdit d'être en état d'ébriété sur la voie publique, c'est connu. Bah, ouais. c'est une espèce de phrase qu'on connaît. Et en fait, cette ébriété, elle est subjective, quoi. Mm-hmm. Comme tu dis, subjectif. Ouais. Ouais, c'est vrai. On a Georges dans la chatroom qui nous demande les médocs. Effectivement, on pourrait se poser la question pour toutes les substances psychotropes. Je sais pas. J'imagine que quand on a fumé un pétard, on n'est pas forcément plus en état de conduire que quand on a bu 2-3 bières. Je suis pas sûr que tu saches pas, mais c'est étonnant que ça puisse paraître. Non, j'en ai aucune idée. Ok. Bah, en France, c'est interdit également. On a des tests salivaires, etc., qui sont peut-être pas encore mis en place, mais qui vont, à mon avis, être mis en place bientôt. D'accord. Et pour les médicaments, mais j'imagine que c'est... Pour les médicaments, bah là, c'est... Non, par contre, je pense que c'est l'état d'ébriété. Mm-hmm. Voilà, exactement. Ok, intéressant. Je poursuis avec l'article de la BBC qui nous dit que des recherches ont également montré que des individus privés de sommeil ont souvent de la peine à faire face à des situations qui changent rapidement et à porter des jugements rationnels. Et dans la vraie vie, les conséquences peuvent être dramatiques. Et le manque de sommeil serait un facteur important ayant contribué à une série de désastres internationaux tels que l'Exxon Valdez, Tchernobyl, Three Mile Island et l'explosion de la navette Challenger. Alors bon, l'article de la BBC cite pas ses sources. Alors là, c'était tellement énorme qu'il a fallu que je creuse un petit peu. Alors, mode zapping oblige. J'ai déniché la source, si ça vous intéresse. C'est une présentation de Sivaram Arabandi de l'université Case Western de Cleveland, dans l'Ohio, faite lors du SSFW09, qui est une conférence qui a eu lieu à Milan en 2009. La presse est disponible, je l'ai mise en lien depuis le dossier, c'est un PDF. Et puis, il y a indiqué, en plus de cette longue liste de catastrophes qui a été retenue par la BBC, qu'un accident de la route sur 5 serait dû au manque de sommeil. Ça m'a interpellé aussi, ce chiffre-là. C'est fou, hein. Et puis, bon, l'article reprend. En outre, dit-il, les impacts majeurs de la privation de sommeil ne se limitent pas au seul fonctionnement cognitif, mais concernent également la santé émotionnelle et physique. Des troubles tels que les apnées du sommeil, qui provoquent une somnolence excessive en journée, ont pu être associés au stress et à l'hypertension artérielle. Et des recherches ont également suggéré que le manque de sommeil pourrait augmenter le risque d'obésité dans la mesure où les hormones et autres substances chimiques qui jouent un rôle dans le contrôle de l'appétit et de la prise de poids sont produites justement pendant le sommeil. C'est fou ça, oui. Ouais, ça c'est dingue. Alors bon, après l'article prend le contre-pied, on a vu ce qui se passe quand on dort pas. Alors qu'est-ce qui se passe quand on dort ? Bah, le sommeil se produit en cycle récurrent de 90 à 110 minutes et se divise en deux catégories. Il y a la catégorie non-REM, ou le sommeil lent, qui elle-même est divisée en quatre phases, est la catégorie REM ou sommeil paradoxal. Alors REM, c'est pour Rapid Eye Movement, ça veut dire mouvement rapide des yeux. On va y venir dans un instant, on va commencer par le sommeil non REM, le sommeil lent. D'abord, il y a une première phase de somnolence. Alors, somnolence, c'est l'acception française. Dans le texte de la BBC, c'était sommeil léger. On verra que ça porte un peu à confusion avec les phases suivantes. Donc, on va dire somnolence. Pendant cette première phase, on est mi-éveillé, mi-endormi. Notre activité musculaire ralentit et de légers spasmes peuvent se produire. C'est une phase de sommeil léger, ce qui signifie qu'on peut être réveillé facilement. Ensuite, la deuxième phase, qui est ce qu'on appelle en français le sommeil léger. Dans l'article de la BBC, c'était le véritable sommeil. Ça intervient après quelques 10 minutes de somnolence. Donc on entre dans cette phase 2 qui dure environ 20 minutes. Le schéma de respiration et la fréquence cardiaque commencent à ralentir. Et cette phase constitue la part la plus importante quantitativement du sommeil humain. Après, c'est le sommeil profond dans les phases 3 et 4. Donc durant la phase 3, le cerveau commence à produire des ondes delta, soit des ondes larges, de haute amplitude et lentes, à fréquence basse. La respiration et la fréquence cardiaque sont alors minimum. Et la phase 4 est caractérisée par une respiration très régulière et une activité musculaire limitée. Si on est réveillé pendant le sommeil profond, que ce soit en phase 3 ou en phase 4, ben on n'arrive pas à s'ajuster immédiatement. On se sent souvent groggy et désorienté pendant plusieurs minutes. Et c'est pendant ces phases de sommeil profond que certains enfants mouillent leur lit, subissent des terreurs nocturnes ou sont somnambules. Et puis après, on a le sommeil paradoxal, en français, le REM. La première période de sommeil paradoxal, donc pour Rapid Eye Movement, débute généralement quelques 70 à 90 minutes après l'endormissement. Et on connaît 3 à 5 périodes de REM par nuit. Et bien qu'on ne soit pas conscient, le cerveau est super actif pendant cette phase, souvent davantage encore que lorsque nous sommes réveillés. C'est là que se produisent la plupart des rêves, et les yeux font des va-et-vient très rapides, d'où le nom « Rapid Eye Movement ». La respiration s'accélère, la tension artérielle augmente, mais toutefois le corps est paralysé. Et on pense que c'est le moyen qu'a trouvé la nature pour nous empêcher d'agir physiquement comme dans nos rêves. Sinon, agité comme on est, je pense qu'on foutrait pas mal de coups de pied partout. Ouais. Et c'est comme cette vidéo sur YouTube avec le chien qui rêve là et puis qui tout d'un coup se réveille et qui fonce dans le mur. Ah ouais, je l'ai pas vu, je pense. J'ai vu. J'ai loupé quelque chose. Tu passes pas assez de temps à rien foutre sur Internet. Ouais, il y a une vidéo qui est assez marrante. Ok, tu la mettras en lien dans les notes d'émission. Sans problème. Parfait. Et puis donc, après cette phase de sommeil paradoxal, bah, le cycle tout entier recommence. On redémarre à la phase 1. L'article demande ensuite de combien de sommeil avons-nous besoin. Et puis, il n'y a pas d'étude précise dont tout le monde qui indique ce dont... Pardon, il n'y a pas de durée précise dont tout le monde aurait besoin. Ça varie en fait d'une personne à l'autre. Selon le Sleep Profiler, c'est une enquête en ligne de la BBC. Là aussi, le lien est dans le dossier si vous voulez participer. Il en ressort que les gens aiment dormir entre 5 et 11 heures par jour, enfin par 24 heures, avec une moyenne de 7 heures 3 quarts. Mais comme l'a dit Jim Horn du Centre de recherche du sommeil de l'université de Loughborough en Angleterre, la quantité de sommeil dont nous avons besoin est celle qui nous permet de ne pas être somnolent dans la journée. J'aime bien cette définition. C'est ouais. Plein de bon sens. Et puis un truc super intéressant toujours dans cet article de la BBC, c'est les quantités de sommeil très variables dans le règne animal. Il y a quelques espèces qui sont mentionnées. Par exemple, un python, à ton avis, ça dort plus ou moins qu'un être humain ? Disons que c'est un reptile, donc plus, je pense. Oui, effectivement, 18 heures. J'avais vu le chiffre aussi. Ah ouais, bon. Voilà. Un tigre, 15,8 heures, un chat, 12 heures. Les Suisses, 11 heures, nous dit Georges Mackey, si seulement. Oh là là, ça me fait rêver, ça. Le chimpanzé, qui est notre proche cousin, près de 10 heures par jour, 9,7. Le mouton, 3,8. L'éléphant d'Afrique, 3,3. Et la girafe, 1,9. Donc moins de 2 heures pour la girafe et près de 18 heures pour le python. On est assez inégaux face au sommeil. Ouais. Et puis le record actuel pour la plus longue période sans sommeil chez un être humain est de 11 jours et a été établi par Randy Gardner en 1965, qui au quatrième jour de sa recherche a commencé à avoir des hallucinations. Ensuite, il s'est pris pour un footballeur célèbre et étonnamment, il continuait de battre les scientifiques au flipper pendant toute la durée de sa recherche, donc qui a duré 11 jours. Voilà, je sais pas combien de temps il a dormi après, mais apparemment il en est sorti indemne. C'est dingue ça. Ouais. Quand on, c'était une torture hein, pendant, je pense que c'était pendant utilisé par la Stasi ou je sais pas quoi. Ils empêchaient les. Ouais, absolument. Je crois que c'est utilisé par tous les organismes qui pratiquent la torture. C'est le premier moyen de torture, la privation de sommeil. Et lui, il a fait ça pour son plaisir pendant 11 jours. C'est un chercheur, hein, un de ces types qui est prêt à tout pour la science. Donc voilà, pour l'article de la BBC, je trouve que c'était une assez jolie introduction sur la problématique du sommeil, mais toujours pas un mot sur la sieste. Un zapping quand tu me tiens. Alors, tandis que je m'aidais de Wikipédia pour les traductions des différentes phases de sommeil, mon œil a été attiré par le chapitre siesta de l'article sleep de Wikipédia. Transition toute trouvée, on continue le zapping. Ce chapitre dit la chose suivante. L'habitude de la sieste a été récemment associée avec une réduction de 37% de la mortalité coronarienne, possiblement en raison d'un stress cardiovasculaire réduit avec le sommeil diurne comme médiateur. Ceci dit, des études épidémiologiques sur les liens entre la santé cardiovasculaire et la sieste ont conduit à des conclusions contradictoires, probablement à cause du manque de contrôle sur les différentes variables comme l'activité physique. Alors, bof, ça a attiré mon œil, mais finalement, ça valait peut-être pas la peine. Reprise du zapping avec le Boston Globe, cette fois, qui, dans un article très graphique, indique comment faire une bonne sieste. Jamais plus de 45 minutes, nous dit-on. Passer la phase de somnolence, c'est la phase de sommeil léger qui permet de booster la vigilance et la concentration et d'aiguiser les capacités physiques. Après 45 minutes, on entre en phase 3, on se sent groggy au réveil pendant une bonne demi-heure. Et puis alors, un truc super dans cet article du Boston Globe, c'est qu'on nous donne la recette pour la sieste parfaite. Bon, t'as triché, t'as guigné, alors c'est pas la peine que je te pose la question, je vais donner le truc. Ah non, j'ai pas vu ça justement, mais je saurais pas répondre à ta question je pense, mais j'ai pas vu, donc ça m'intéresse beaucoup. Ok, le truc c'est de boire un petit café avant la sieste. La caféine met une vingtaine de minutes avant de produire son effet excitant, alors autant dire qu'elle te réveille pile au bon moment, quoi. Ah, ok. Voilà. Et l'auteur de l'article s'appelle Jennifer Ackerman. Rosa. Ouais. C'est vrai ça, mais est-ce que ça t'empêche pas du tout de dormir en fait. La caféine a juste un effet au moment de la fin de la sieste pour te réveiller. C'est ça l'idée. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est marrant. Ok. Et puis après, si tu veux tout savoir sur la demi-vie de la caféine, combien de temps elle traîne dans ton organisme, combien de temps elle va t'empêcher de dormir, rendez-vous sur Podcast Science. On a un dossier sur la caféine qui traîne quelque part dans les archives. Oui. Voilà. Donc l'auteur de cet article s'appelait Jennifer Ackerman. Et puis en rezappant, je suis tombé sur un autre de ses articles, toujours sur le même sujet, mais dans le très britannique Guardian cette fois. Je me suis dit que les autres journalistes n'avaient probablement pas pris leur ristrette juste avant la sieste ce jour-là, pour que ce soit la même auteure qui écrive tous les articles. Alors bon, un nouveau petit onglet quand même, ça m'intriguait de savoir qui était cette Jennifer Ackerman. Je redécouvre, parce qu'en fait j'en avais déjà entendu parler, mais j'avais complètement oublié. C'est une écrivain scientifique américaine à succès, et puis elle s'est documentée à fond sur le sujet pour un de ses livres qui s'appelle « Le sexe, sleep, eat, drink, dream ». A Day in the Life of Your Body, que j'ai aussitôt ajouté à ma gigantesque liste de livres que je ne lirai probablement jamais, tellement il y en a. Voilà, fermeture de l'onglet. Dans la version Guardian, c'est moins graphique, mais c'est beaucoup plus instructif. Je cite, une sieste de 60 minutes améliore la vigilance jusqu'à 10 heures. Des recherches sur des pilotes ont montré que les siestes de 26 minutes de la NASA, pendant que le copilote est aux commandes, améliorait les performances de 34% et la vigilance générale de 54%. Et une étude de Harvard, publiée en 2008 a montré qu'une sieste de 45 minutes améliore l'apprentissage de la mémoire. Faire la sieste réduit le stress et diminue les risques d'infarctus, de diabète et de prise de poids excessive. Ça, on l'avait déjà vu. NASA, vous avez dit NASA, Rezap évidemment. J'ouvre un nouvel onglet qui me dit tout sur les expériences de la NASA dans le domaine du sommeil, et c'est bien sûr proprement fascinant. On y apprend que la tête en bas, dans les fusées qui font un bruit de fusée, les astronautes ont beaucoup de mal à dormir leurs 8 heures chaque nuit, et même si la NASA leur recommande, de le faire. Alors bravache, ils dorment entre une demi-heure et deux heures et demie de moins que le reste des terriens. Mais manquer de sommeil dans ces conditions extrêmes n'est évidemment pas du tout une bonne idée. Du coup, la sieste semble être une bonne solution pour ne pas être irritable, oublieux et globalement à côté de la plaque. Sauf que, on l'a vu, une trop longue sieste vous rend groggy et c'est un effet qui s'appelle l'inertie du sommeil et qui n'est pas encore compris par la science. Pour piloter une fusée, c'est pas trop indiqué d'être en pleine inertie du sommeil. Alors la NASA a financé une étude du National Space Biomedical Research Institute conduite par David Dinges, ça s'écrit Dinge, c'est rigolo, des INGES, un prof de l'école de médecine de l'université de Pennsylvanie. Je cite... À notre plus grand étonnement, les bénéfices de la sieste ont surtout porté sur les performances de la mémoire de travail plutôt que sur la vigilance et la vivacité générale, indique Dinges dans l'article. Pour ces compétences particulières qui permettent de rester concentré et de remarquer les détails importants, ce qui compte, ce sont les heures totales de sommeil en 24 heures. Une autre découverte intéressante de ces travaux, c'est que la sieste ne fonctionne pas bien pour les travailleurs de nuit. S'ils font une sieste au milieu de la nuit, justement, leur horloge biologique semble complètement perdre la boussole. Et chez ces sujets, l'inertie du sommeil dure plus d'une heure. Intéressant, en fait, je ne m'étais jamais posé la question des travailleurs de nuit qui font la sieste la nuit. Ils font la sieste la nuit, ouais. Ouais. Ben voilà, ça a été testé dans une étude financée par la NASA, et on sait maintenant, c'est scientifique, que ce n'est pas une bonne idée. Et donc la sieste a un effet particulièrement bénéfique sur la mémoire, ce qui est intéressant. Moi, je me suis posé une autre question, du coup, quid de Smith qui voudrait qu'on puisse mémoriser ce qu'on entend pendant la sieste? C'est les fameuses méthodes de langue, par exemple. Alors, Rezap, nouvel onglet, retour sur le site du Scientific American, dans une retranscription d'un récent épisode de l'excellent et très enjoué podcast 60 Second Science. Donc c'est très vite écouté, c'est des épisodes qui durent une minute, contrairement à chez nous. Ouais. Et puis là, ça va comme ça. Donc, vous vous souvenez de ces cassettes qui vous permettaient soi-disant d'apprendre pendant la nuit? Eh bien, les recherches scientifiques ont démontré que c'est n'importe quoi, sauf bien sûr si vous restez debout toute la nuit pour les apprendre. Mais si vous dormez réellement tout en écoutant quelque chose que vous avez déjà appris, une mélodie que vous auriez entraînée au piano, par exemple, eh bien, vous risquez effectivement de l'apprendre plus rapidement. C'est ce que révèle une étude publiée dans Nature Neuroscience, une étude de James Anthony et de ses collègues, qui est sortie il y a pas longtemps. En fait, c'est un épisode de la semaine dernière. Alors bon, je vais vous épargner, chers auditeurs, le reste de mon zapping. L'interweb mondial est unanime. Toutes les recherches concordent et les siestes ne présentent que des avantages. Du coup, je me suis quand même posé une question, pourquoi est-ce que la sieste n'est pas plus mainstream? Pourquoi est-ce qu'on la fait pas? Pourquoi est-ce que nos sociétés sont organisées comme si on était tous des Margaret Thatcher, voire des Randy Gardner, le fameux gars qui a pas dormi pendant 11 jours d'affilée? Tout ça est peut-être en train de changer, en fait. L'année dernière, un article du New York Times permettait aux basketteurs jouant en NBA d'avouer leur penchant pour la sieste. Pourquoi se doper quand il suffit de piquer un petit somme, en somme? Même les héros font la sieste. Et c'est même pour ça qu'ils gagnent. Idem chez les hockeyeurs de la NHL. Ils dorment entre 20 minutes et 3 heures tous les après-midi. Mais bon, dans le monde des entreprises alors? Eh bien là, c'est sur le blog online MBA, pardon, un portail qui s'adresse aux cadres et recense les MBA en ligne. Que j'ai trouvé des informations, certaines grandes compagnies ont une politique encourageant les employés à faire la sieste au moment du coup de pompe. Et dans le top 10, évidemment, on trouve Google, on trouve Ben & Jerry, Zappos, Nike. Enfin là, mon petit doigt me dit quand même que c'est pas une politique qui s'applique à l'ensemble de la chaîne de production, on va aller savoir pourquoi. Dans la liste, il y a AOL, Huffington Post, Pizza Hut, Deloitte Consulting et British Airways. J'espère là aussi qu'il y a une réglementation pour que le pilote et le copilote fassent pas la sieste en même temps, au premier bâillement contagieux. Et puis voilà, il y avait encore quelques entreprises dans la liste, mais qui sont pas très connues. Mon dossier s'arrête là. Ça fait rêver quand même. Ah ouais, la sieste sur le lieu de travail, ça fait rêver carrément. Ouais, je crois que je vais mettre à jour mon CV. Mais j'avais entendu que chez Google aussi ils faisaient ça, mais ouais, j'ai pas de certitude. Tu l'as dit, ouais. Il est dans la liste, ouais. C'était le premier dans la liste. Bah, c'était super intéressant. Là, on a eu une question de Roy Gada. Je sais pas si tu vas avoir la réponse, mais je te la dis quand même. C'est pourquoi est-ce que on fait plus la sieste? Est-ce que la chaleur augmente, donne envie de faire la sieste? Parce qu'on fait plus la sieste dans le sud que dans le nord. J'ai pas d'informations là-dessus. T'as pas d'infos là-dessus? Je peux imaginer que oui, quoi. La chaleur a tendance à nous assommer. Ouais, je pense que Ouais, je pense c'est sans aussi. doute ça, mais j'ai pas plus d'informations que ça, malheureusement. Ouais. Non, mais sinon, ce qui est, moi, ça m'a super intéressé, c'est toute la partie justement sur le sommeil, en fait, entre guillemets, plus que la sieste, parce que c'est un truc fascinant, quoi. C'est un monde qu'on comprend pas du tout, et qui, dans lequel il reste un peu tout à découvrir, quoi. Ouais, et puis le truc dingue, c'est qu'on n'a toujours pas compris vraiment à quoi ça sert. Ça doit quand même présenter un avantage évolutif pour que tant d'espèces dorment. On se met en danger en dormant quand même, tu vois, quand on est. Bah oui, c'est clair, hein. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand tu, je vais rebondir un peu sur tes statistiques d'animaux qui m'ont fait marrer quand même, mais quand tu vois que la girafe ne dort que, qui dort moins de 2 heures par 24 heures, à mon avis, c'est pour ça justement, c'est pour rester vigilante, parce que dans la savane, ça rigole pas, quoi. Ouais, c'est possible. Je sais que les mammifères marins ont développé un sommeil tout à fait particulier où en fait ils dorment jamais complètement. T'as un hémisphère cérébral qui dort pendant un moment, et Ouais. puis ensuite c'est l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ben moi, d'ailleurs, oui, j'ai un ami militaire qui me disait que eux, ils sont beaucoup sevrés de sommeil quand ils sont en mission, et les empêche de dormir, et qu'en fait, ils sont capables à la fin de dormir en marchant. Il m'a dit vraiment, sans exagération, ils arrivent à dormir en marchant. Et je crois que c'est ce que les chevaux font aussi quand ils dorment debout. T'as une partie du cerveau qui dort et une partie du cerveau qui continue à contrôler des tâches banales, quoi, de la veille, quoi, finalement. D'accord. Ouais, je pense qu'on a encore tellement de trucs à apprendre là-dessus. Je vois qu'on a NoSkill dans la chatroom qui demande si on a ou si on va parler du sommeil polyphasique. Évidemment, je n'avais pas la moindre idée de ce que ça voulait dire, mais Wikipédia est mon ami. Et puis, je vois que le sommeil polyphasique, c'est un mode de repos dans lequel le temps de sommeil d'une journée de 24 heures est réparti en plusieurs périodes au lieu d'être regroupé en une nuit. Ce qu'on appelle le sommeil monophasique. C'est le mode habituel de sommeil chez de nombreuses espèces animales. Et il semble avoir été courant dans l'espèce humaine, au moins sous la forme biphasique, avant l'ère industrielle et la généralisation de l'éclairage continu. Alors là, effectivement, au cours de mon zapping, je suis tombé sur un. Je suis même pas tombé dessus au cours de mon zapping. Ça doit être. Xavier Durussel qui m'avait envoyé un lien il y a quelques temps, ou éventuellement Ben de Niptech Podcast, je me rappelle plus, c'était un article de la BBC qui justement déconstruisait le mythe du sommeil de 8 heures d'un coup chez l'être humain. Donc ce serait pas un besoin de l'être humain que de dormir 8 heures d'affilée. En fait, on a besoin de dormir 8 heures par 24 heures, mais pas forcément en un coup. Et apparemment, on a commencé à le faire. À partir du moment où, enfin, c'est lié à la mise en place de l'éclairage public dans les villes. Jusque-là, on avait tendance à dormir en deux fois, c'est-à-dire on sortait pas. Donc, dès que le soleil se couchait, on n'avait plus grand-chose à faire. L'éclairage domestique n'était pas forcément génial. Et puis, on allait se coucher. Et puis, on dormait 4 heures. On se réveillait pendant la nuit. Et puis là, on discutait, on sortait. Enfin, il y avait vraiment plein de trucs qui se passaient pendant cette phase d'entre-deux sommeils. Et puis, on se recouchait pour les 4 heures restantes avant de se réveiller le lendemain et de repartir pour une journée, quoi. C'est super intéressant. Ça a l'air si évident, ce sommeil monophasique, justement, d'un bloc, que c'est absolument pas un truc que j'aurais pensé à challenger ou à remettre en question si j'étais pas tombé sur ces informations-là. Ouais, c'est clair. Ouais. Et puis c'est super utile, par exemple aussi moi pour les quarts de nuit, les trucs comme ça. Tu fais un bout de nuit, un peu de travail et puis encore un bout de nuit. Enfin c'est ça marche quoi, c'est sûr. Ouais, effectivement. Il y a George McKee qui demande aussi dans la chatroom si j'ai trouvé des études sur les siestes crapuleuses. Alors bien sûr que non. Par contre, effectivement, dans ce sommeil biphasique, bah, c'était une des activités. Courante hein, entre les deux phases de sommeil. On était déjà au lit, et parfois en bonne compagnie, alors pourquoi pas, ouais, c'était la bonne occasion. Ok, bon bah écoute, c'était super intéressant. On passe à la suite? Ouais, ça marche. Alors, pour l'instant, on va commencer par vous parler de ce dont on vous parlera la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, ce sera un dossier de Marco. Et donc, on a un petit teaser enregistré, je crois, Alan. Exactement, ouais, il n'a pas pu se joindre à nous ce soir, malheureusement. Bon, on a un teaser enregistré avec un son un peu bizarre, mais on comprend ce qu'il dit. C'est l'essentiel, on l'écoute. Si vous entendez cet enregistrement, c'est que malheureusement, je n'ai pas pu arriver à temps. pour le dossier d'Alan. Et puis cette fois-ci, c'est vraiment dommage, puisque un dossier sur la sieste, pour une fois, c'est un sujet que je maîtrisais plutôt pas mal. Voilà, donc je vais vous parler en fait du sujet de la semaine prochaine, et puisque nous sommes en période estivale, ce sera un podcast léger, voire récréatif, que nous ferons, puisque nous nous amuserons avec des phrases mnémoniques, c'est-à-dire des phrases qui aident à mémoriser plus facilement les informations. Donc, si vous pensez que vous avez une mauvaise mémoire, j'essaierai alors de vous convaincre que votre mémoire est en parfait état de marche, mais que ce sont plutôt vos méthodes de mémorisation qui ne sont pas les bonnes. Alors, je vous donne rendez-vous le 26 juillet, et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de podcast. À bientôt. Eh ben, si Marco arrive à me démontrer que j'ai une mémoire parfaitement opérationnelle, il est fort. Je me réjouis d'entendre ça. Mais il nous avait déjà parlé de ces phrases, tu sais, il nous en avait sorti de temps en temps sur les... Bah, bien sûr, j'ai oublié les phrases, donc je vais donner l'impression que ça marche pas, mais je crois que ça marche assez bien. Tu sais, il nous avait donné une phrase pour retrouver les airs, ouais, pour les éléments, etc. Exactement, je me rappelle juste d'Ordovicien, mais je sais plus avant. Ouais, voilà. Bon, mais je crois que ça marche vraiment. Bon, on va passer à la suite, donc... Alors oui, on voulait remercier donc Nico qui est pas là ce soir également. À tous ceux qui nous écoutent sur iTunes, il y a donc un site internet podcastscience.fm sur lequel donc Nico nous fait toujours de super illustrations. Donc là, on en a une ce soir pour la sieste que vous pouvez donc retrouver sur le site. Il y en a une pour le cancer la semaine dernière et pour le boson de Higgs, etc. On en a très souvent. Deuxième chose dont on voulait vous parler, c'est que maintenant on a la possibilité, et on vous encourage grandement à laisser des commentaires audio sur le site, donc au bas des dossiers, au bas des MP3, etc. Vous avez un petit plugin qui permet assez simplement, juste en ayant un micro, de laisser un commentaire audio, et donc nous on sera ravis de le laisser, de le passer pendant le podcast si vous nous donnez l'autorisation, évidemment. Et donc, plus généralement, ça nous fait plaisir d'avoir des gens qui viennent participer, interagir avec nous pendant les émissions. Donc, on vous encourage aussi à le faire. Ça nous fait très plaisir. Voilà. Alan, je te laisse peut-être annoncer la suite, si tu veux, ou je continue ? Tu peux continuer, je t'en prie. Parce que je ne sais plus. Donc, on est à Podcast Science numéro ce soir, numéro 95. Et donc, on a la 100e émission qui approche. Ça sera le jeudi 23 août, donc 2012 évidemment, à 20h30 comme d'habitude. Je ne sais pas encore quelle idée on a retenue, Alan. Est-ce qu'on a retenu une idée en particulier ? Bon, on a plein d'idées. Ouais, on va s'orienter sur une rétrospective. Il y aura peut-être des quiz. On aimerait bien pouvoir interagir avec les auditeurs. On va faire ça depuis la Suisse, depuis Lausanne. Alors si vous êtes dans les parages géographiquement le 23 août, si vous êtes dans les environs, faites-nous signe. Plus on est de fous, plus on rit après tout. Et puis autrement, il faut être là pour le live. Vraiment, ce jour-là, en général, c'est facultatif, le live pour un podcast, on s'en fiche un peu. De toute façon, le but du podcast, c'est précisément de pouvoir être entendu au moment, enfin être écouté au moment qui nous arrange. Mais là, on a besoin de vous ce jour-là. Jeudi 23 août à 20h30. Vous connaissez l'adresse pour le live, si vous la connaissez pas, c'est sur le site podcastscience.fm/live, L-I-V-E. Ok, l'invitation est lancée alors. On passe à la suite. Alors, une news, Alan, peut-être. Ouais, c'est une news partagée par un auditeur, notre ami Mini Kermit, qui a partagé la news par Twitter. En fait, c'est pas une news en réalité, c'est juste un lien super intéressant qu'on mettra bien sûr dans les notes d'émission, qui permet une visite virtuelle du LHC, donc le collisionneur de particules du CERN. Je crois que c'est le détecteur CMS qu'on voit. C'est super, ces photos en 3D. On peut naviguer dans tous les sens. C'est vachement bien. Ok, ouais, ça a l'air cool. Moi, j'avais pareil un petit lien à proposer. Ça m'a amusé quand je l'ai vu. C'est la vidéo du vendredi du CNRS. En fait, tous les vendredis, ils proposent une vidéo. Et là, récemment, c'était à propos de Abyss Box. Donc, c'est une exposition au parc Océanopolis de Brest. Et en fait, c'est que des animaux des grandes profondeurs qui sont inconnus, mais que je trouve assez fascinant, même s'ils ont rien de spécial quand on les regarde, que des animaux qui vivent à plus de 1000 mètres de profondeur. Et en fait, c'est marrant parce que quand on voit ça sur la vidéo, en fait, c'est des crevettes qui sont dans les aquariums, donc sous une pression énorme. Donc c'est des énormes aquariums, tout ça pour trois petites crevettes translucides à l'intérieur. Enfin, je trouve ça amusant. Donc je mettrai le lien dans les notes d'émission. Vous pourrez aller voir ça. C'est assez marrant. Ok, parfait. Voilà. Bon, je continue. On passe à la suite. Alors, on voulait remercier, je te laisse le faire, Alan, parce que c'est tes amis, mais on a un remerciement adressé. Yep, alors attends, parce que moi je suis terriblement monotache, j'étais en train de copier le lien dont tu viens de parler dans la chatroom. Alors oui, c'est un plug pour Niptech que je tiens à faire, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Je tiens à remercier Ben, le cofondateur de Niptech, pour avoir porté un t-shirt Podcast Science dans le dernier Niptech. Ils font ça en vidéo, du coup il a pu le montrer, il a fait notre promo. Et c'était plutôt sympa. Quand même, c'est vrai que ça fait si longtemps qu'on en a pas parlé. Niptech est le podcast qui a inspiré la formule de Podcast Science. Alors bon, maintenant nos voix se sont un petit peu séparées, les formules ont évolué séparément. Voilà encore un bel exemple d'évolution. Mais Niptech, c'était au départ un podcast sur la tech avec deux personnes qui discutaient de leur trouvaille de la semaine. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus un podcast sur les startups, sur l'inspiration, sur le monde de la créativité dans l'entreprise. Et puis il y a toujours pas mal de tech. Ils sont parfois deux, ils sont parfois trois, parfois quatre. Il y a des numéros hors série. Il y a eu toute une série de hors série dernièrement sur les startups dans les différents pays francophones. Si c'est un domaine qui vous intéresse, c'est absolument passionnant de voir à quel point les conditions peuvent être différentes selon qu'on se trouve, je sais pas, au Luxembourg, en Suisse, en France, en Belgique. C'est vraiment vachement bien. Si vous connaissez pas Niptech, il faut connaître. Le site, c'est Niptech, niptech.com. Vous les trouvez bien sûr sur iTunes. Vous les trouvez partout. Sur No Watch TV depuis quelques temps. Voilà, j'arrête là, mais je vais en reparler souvent. Je pense qu'on va en parler aussi pas mal pendant la centième, parce que sans Niptech, il y aurait pas de podcast science, et puis on oublie de... C'est pas juste une politesse que je renvoie. Je pense vraiment que ça vaut la peine de les écouter, et puis qu'on devrait faire de la promo un petit peu plus souvent. Voilà. T'avais encore quelque chose à nous dire, Franck? Ouais, je voulais parler de remercier pour un petit lien qu'on a eu. Ça vient du blog Passeur de Science de Pierre Barthélémy. Donc oui, c'est sur un article qui parle de momie de Claude Allan. C'est un blog que je connaissais, que j'avais déjà rencontré, que je trouvais assez bien. Et donc là, donc c'est un petit article qui cite, enfin qui met un lien vers Podcast Science sur le dossier sur l'ADN mitochondrial, je crois. C'était un dossier de toi, Allan. Et donc voilà, on les remercie parce que ça nous a fait plein de jolis petits trafics. Ouais, c'est fou. Je me demande quel est le trafic du site de Pierre Barthélémy. Ouais. Mais c'était un petit lien de rien du tout. En plus, c'était même pas particulièrement mis en évidence. Mais c'est assez dingue, quoi. Ça nous envoyait un trafic de ouf. Ouais, tout à fait. Et puis sinon, on a encore Georges Mackey qui nous donne un lien dans la chatroom pour nos amis suisses, qui est complètement édifiant. Alors effectivement, on l'a tweeté dans la journée. C'est sur le blog de Dr Goulu, un membre du Café des Sciences. C'est un article sur le rapport suisse sur l'homéopathie. Donc en Suisse, depuis l'année dernière, les traitements homéopathiques sont à nouveau pris en charge par les caisses maladie. Et le point de départ de cette décision, c'est un rapport qui a été fait sur l'homéopathie. Et aujourd'hui, il y a un rapport critique sur ce rapport qui démontre qu'en fait, c'est de la foutaise, qu'on n'aurait jamais dû prendre la moindre décision sérieuse basée sur ce truc-là. J'ai pas eu l'occasion de tout lire encore. J'étais tellement stressé. J'ai repris l'article de Dr Goulu deux, trois fois, puis j'avance petit à petit, je me réjouis d'arriver au bout. Mais voilà, donc on a le lien dans la chatroom et puis on aura bien sûr le lien dans les notes d'émission. Ok, super. On passe à la côte ? Ben, moi j'en ai pas. Ah ben j'en ai préparé une. T'en as préparé une, magnifique. Ouais. Excellent. Alors, mais pas en anglais par contre, hein. Donc vous serez déçus si vous attendez un accent. Bon, mais les côtes en anglais c'est réservé quand même à Marco. À une élite, j'ai envie. Absolument. De dire. Je crois que je nous ai un peu cassé les oreilles là. On t'écoute. Pendant qu'on calcule, qu'on analyse les pour et les contre, la vie passe et il ne se passe rien. Voilà. Alors, je ne sais pas de qui c'est. Okay. C'est un des comptes que je follow sur Twitter. C'est Dr. Quabo, D-R-K-O-I-B-O, qui fait toujours des citations tous les jours. Et quand j'ai vu celle-ci, je l'ai notée en favori. Je me suis dit, je la dirai sur Podcast Science si on a le temps. Et donc, voilà. Je ne sais pas qui c'est, mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça, je trouve. Ouais, je sais pas si je suis d'accord en fait. Moi, ce que je comprends de cette quote, c'est il faut arrêter de se poser des questions parce que de toute façon, la vie continue. Et évidemment, je suis pas tellement d'accord avec ça. Bon, maintenant, c'est peut-être mon interprétation. Toi, tu l'as comprise comment? C'est que c'est bien de calculer, c'est bien de comprendre, mais que il faut pas oublier que la vie passe quoi. Voilà. Non, mais qu'il faut que si on n'agit pas, si des fois on peut pas tout analyser. Bon, c'est un petit peu sur un podcast de science, c'est un petit peu c'est un petit peu antithétique de le dire, mais justement ça me plaisait de le rappeler. Voilà ce que j'en pensais. Ouais. Ah oui, toutes mes excuses auprès de nos skills, je lui ai effectivement littéralement brisé les oreilles. Je suis désolé, je pensais pas que ça partirait si fort. Et puis Roi Gada qui nous dit qu'il faut faire la sieste à la place de calculer. Oh, ça c'est une transition toute trouvée. Ok, et puis tu voulais nous rappeler encore deux, trois trucs, Franck. Oui, donc là, c'est juste, on arrive à notre podcast, notre émission touche à sa fin. C'était juste pour vous rappeler que vous pouvez nous noter sur les pages du site internet. Donc, il y a un petit plugin pour laisser des notes. Vous pouvez nous partager sur Twitter, sur Facebook, sur votre réseau social préféré. C'est super utile. Vous pouvez nous noter sur iTunes aussi. Très important. Ça nous aide beaucoup à nous faire connaître du plus grand nombre et à répandre la science sur internet. Voilà. Absolument. C'est vrai. Ouais, c'est bien. C'est très très bien. iTunes, okay. C'est particulièrement intéressant pour nous faire remonter dans les résultats de recherche d'iTunes, qui est quand même le moteur principal utilisé par les gens pour découvrir des podcasts. Donc, si vous aimez Podcast Science, en nous mettant des notes et en faisant remonter Podcast Science, vous permettez à des auditeurs qui ne nous connaissent pas encore de nous découvrir. C'est tout l'intérêt de la chose. Franck, tu redonnes peut-être les adresses sur lesquelles on peut nous trouver? Oui, bien sûr. Sur iTunes, on recherche Podcast Science et on nous retrouve. Mm-hmm. Sur Twitter, @podcastscience, tout collé, PODCASTSCIENCE. Bon, Podcast Science, c'est plus simple. Facebook, Podcast Science également, collé sans espace. Google Plus, Podcast Science, collé sans espace. Ouais, voilà. En gros, c'est Podcast Science partout, quoi. C'est pas compliqué. C'est tout simple. Excellent. Alors, j'allais dire, on se retrouve la semaine prochaine, mais en fait, on se retrouve pas. Moi, je serai pas là la semaine prochaine, ni la semaine suivante. Mais je serai en pensée avec vous. Mais en pensée seulement, alors. Et en pensée seulement, ouais. Bon, peut-être dans la chatroom. C'est dommage. Ouais, peut-être que je pourrais pas m'approcher. J'espère qu'on te croisera sur la chatroom. On verra. Mais pas sous un pseudonyme, hein. Ok. Ah oui, ça pourrait être intéressant, tiens. Ok, écoute, je vous tiens les pouces pour les deux prochaines émissions. Donc la semaine prochaine, c'est Marco qui va partager ses trucs mnémotechniques en science. Ouais. Et puis la semaine suivante, on sait déjà. Ça sera moi, oui. Je l'annonce maintenant, je ferai une annonce mieux la semaine prochaine. Je pense que ça parlera du racisme, en fait, des fondements scientifiques de la théorie du racisme et pourquoi aujourd'hui on considère que les races n'existent plus chez l'homme. Voilà. Ok, excellent. Je vous souhaite à tous beaucoup de bon temps. Et à toi aussi, d'excellentes vacances, Alan. Ouais, merci. Bien, fais bien la sieste. Ah ouais, c'est et reviens-nous en pleine forme. Promis juré. À bientôt. Okay. À bientôt, ciao. Salut tout le monde dans la chatroom. Ciao.